En guise d'introduction, nous vous exposons ce récit qui relève des faits divers quotidiens au Cameroun, pour vous camper un peu les schémas. Alors, sur mon répondeur téléphonique, un message d'un collègue médecin. « Berthe, cet appel pour t'annoncer que mon épouse, Madame le docteur, est en fin de vie à l'hôpital X à Paris. C'est grave. » Le lendemain, je rappelle mon collègue. Il m'apprend que son épouse, atteinte d'un cancer, est en effet en fin de vie, prise en otage par des groupes religieux dits charismatiques du pays, elle n'a pas pu bénéficier des soins adéquats. Ces derniers l'ont en outre désigné comme le sorcier responsable de la mort mystique de sa femme. Son épouse était partie du domicile conjugal depuis quelques mois. Il semble qu'à l'hôpital X, elle se trouve dans un état critique. Elle ne parle plus, mais il semblerait qu'elle entend. À la question de savoir s'il allait se porter au chevet de sa femme, il m'explique que c'est impossible. Toutefois, il avait des membres de sa famille à Paris, mais sa femme, en revanche, n'avait personne. Je m'engage donc à aller voir dans les 2 jours qui suivent, n'étant pas de garde ce week-end-là. Après avoir accroché, je me demande ce que je ferai auprès de cette femme qui ne parlait plus et qui se trouvait sûrement plongée dans un coma léger. Je ne connaissais pas l'épouse de mon collègue. Je savais qu'elle était médecin. Comme je savais aussi dans quelle terreur les Africains étaient précipités chaque fois qu'il s'agissait d'une mort imminente. Je savais aussi qu'il n'était pas facile d'accepter de mourir, de partir. Prier avec elle, partager un moment de paix, pourquoi pas. Dans le service de l'hôpital parisien, je me présente et demande l'autorisation d'aller auprès de la malade. Auprès d'elle, je lui prends la main, je me présente à nouveau et je me mets à prier et à chanter intérieurement, parce que j'aime beaucoup chanter. Je me sentais calme, complètement absorbée par la prière. Au bout d'un moment, rentre dans la chambre un jeune homme qui semble soudain aussi surpris que moi. Il me salue et parle à la malade en lui disant qu'elle avait le bonjour d'une autre amie médecin qui lui avait envoyé un nouveau missel et un nouveau chapelet. Je me présente donc comme le docteur Lolo, collègue du mari de la malade. Le jeune homme se renferme, hésite un instant avant de me demander de ne plus prononcer le nom de mon collègue devant la malade, qui pourtant est sa femme, mais me dit donc que désormais le couple est officiellement séparé depuis 2 jours. Le chef de service est mis au courant. Mon collègue n'est plus le bienvenu à l'hôpital, ni lui, ni sa famille, encore moins ses connaissances. Je suis très mal à l'aise. Que faire? Sortir de la pièce? Le jeune sort téléphoner. Il revient, met le chapelet béni autour des poignets de la malade. Il pose le téléphone sur la poitrine et active les haut-parleurs. Des pasteurs lui parlent et prient depuis le Cameroun. Ce sont des prières d'exorcisme. Le nom de mon collègue est plusieurs fois prononcé, ainsi que celui de la franc-maçonnerie. La communication se coupe. Plusieurs tentatives. Je me sens dépassée par les événements. J'ai l'impression de me trouver dans un vrai champ de bataille. Bon Dieu, qu'est-ce que je faisais là? Le jeune homme, à nouveau, me demande qui je suis. Docteur Lolo. Lolo Brigitte? Non, Lolo Berthe. Silence, il semble réfléchir. Lolo Berthe de l'hôpital à Quintigny? Je dis oui. Vous avez travaillé avec ma cousine E? Oui, E était ma secrétaire, mais c'était aussi ma cousine. Comment est-ce possible puisque nous ne sommes pas de la même ethnie? Il me répond, avec E, nous étions parentés du côté paternel. L'atmosphère se détend. Je ne suis plus une inconnue. Il s'ensuit plusieurs appels téléphoniques entre le jeune et le Cameroun. Il m'apprend que sa grande sœur confirme qu'elle me connaît et que je suis comme une mère pour leur cousine, eux. Je me rends compte que je connais aussi très bien la dite sœur. Un autre appel du Cameroun et je m'entretiens avec la grande sœur qui me rappelle que j'avais soigné ce jeune homme qui était à côté de moi contre la rougeole quand il avait 8 mois. Elle m'explique que mon collègue au Cameroun a décidé de tuer leur sœur et ses enfants, car il était membre d'un groupe ésotérique, la franc-maçonnerie, qui exige de vendre ses proches, de les tuer par maladie ou par accident, pour le pouvoir. Elle explique la bataille engagée entre les pasteurs du renouveau charismatique et mon collègue, le franc-maçon. Elle m'exhorte de ne pas donner des nouvelles de l'état de la patiente. Si mon collègue m'a incité à venir à l'hôpital, poursuit-elle, c'est parce qu'il ne pouvait plus avoir de ses nouvelles par l'hôpital. Il avait besoin affirmait-elle, d'avoir de ses nouvelles pour alourdir ses fétiches. Je le lui promets, je sors de la chambre, après une dernière prière, je rentre chez moi épuisée. Si j'étais restée inconnue, je n'aurais pas été reconnue comme probablement bienveillante. Il aurait été dit que mon collègue m'avait envoyée achever son épouse. C'est comme ça que ça se passe au pays. En tant que médecin, je savais qu'elle allait mourir, contrairement à ce que ses pasteurs et la famille prétendaient. Deux jours plus tard, elle était décédée. La suite fut aussi rocambolesque. Le fils de la mourante a ramené la dépouille au Cameroun. Mon collègue a subtilisé la dépouille. Le temps pour l'autre famille de se rendre compte de la disparition de la dépouille, les magistrats s'en sont mêlés. Mon collègue a organisé un enterrement officiel sans corps dans la bière et à l'insu de tous parce qu'il avait déjà enterré la dépouille en secret. La police, ayant demandé d'ouvrir le cercueil avant l'enterrement, a constaté que le cercueil était vide. Mon collègue a disparu lors de la cérémonie. Il a été recherché par la police. Oui, c'est souvent le quotidien en Afrique subsaharienne, au Cameroun en particulier. Derrière chaque mort et chaque enterrement, des conflits et des guerres. L'on ne meurt jamais de mort naturelle. Il existe toujours une explication sorcellaire de la mort et de la maladie. Nous affirmons dans nos travaux antérieurs que la sorcellerie en Afrique subsaharienne doit être considérée comme une religion et non comme une pratique quelconque que les individus peuvent s'accaparer ou pas. Nous en reparlerons plus tard. C'est une religion car elle raconte l'angoisse de mort qui sourd chez les humains. Elle dicte leurs croyances dans l'intime et dans l'extime, dans ce qui les pousse à vivre ou les maintient en vie et dans le comportement et les liens aux autres. Nous pensons que la sorcellerie ne laisse pas le choix aux individus. Et quand bien même ils semblent distants du phénomène, ils y recourent dans les situations où la mort est présente. C'est ce que, je pense, mon collègue du matin voulait dire. On ne peut pas parler de tradition africaine sans évoquer la sorcellerie. La sorcellerie devient ce concept, pour moi, qui dicte les liens dans les groupes et explique l'essence même de la vie. Elle explique la mort, la maladie, la richesse et le pouvoir. Nous reprendrons une définition retenue par le père Éric de Rony. La sorcellerie, c'est quand dans la journée, nous mangeons ensemble et le soir, tu me manges. Dans cette phrase, nous soulignons le fait d'être liés. Puisque les concernés mangent ensemble, ils partagent ainsi la même essence de vie, ils sont ensemble et proches. Le « tu me manges » raconte que la victime devient une autre essence de vie de celui qui mange, du persécuteur. Mais il raconte aussi que le persécuteur avale ou détruit le lien antérieur entre les deux personnes. Nous avons redéfini souvent la sorcellerie, quant à nous, comme l'art de manipuler les liens. C'est couper les liens sans prévenir ou encore quand l'autre dit encore, encore. Alors, mais pourquoi l'Africain revendique-t-il ce discours qui le laisse à la merci de l'autre et ne s'efforce pas de s'en distancier? Comment comprendre qu'il accepte de n'avoir aucun pouvoir sur lui-même? Dans cette tradition, les anciens ont une place prépondérante. Les femmes et les enfants se vivent comme inférieurs. De quoi s'agit-il? C'est ça notre rapport, qui ne se retrouve pas dans d'autres travaux. C'est du côté de la psychanalyse et de la psychiatrie que nous avons entrevu ce qui se révèle le discours anthropologique de la sorcellerie. Cette élaboration se trouve dans notre livre « Mon Afrique » qui a été présenté dans divers colloques. Pour nous, la tradition africaine subsaharienne actuelle, que l'on pense antérieure à la colonisation, est la résultante de la rencontre avec l'Occident au moment de la traite négrière qui continue à se dessiner dans un bricolage en fonction du cours de l'histoire. Pour comprendre un peu notre argumentation, nous allons déjà prendre quelques exemples. Selon le discours du système sorcellaire en Afrique subsaharienne, il faut un monde invisible en plus du monde visible et qui fonctionne comme ce dernier. Cependant, le monde visible a une prégnance sur le visible et le dirige. Alors, c'est là où je vous interpelle d'être un peu plus attentif. Tout au long de la traite des Noirs, les Blancs venaient et repartaient en prenant le soin de prélever une partie du groupe. Les hommes en bonne santé, les piliers même du groupe. Ça, c'est l'histoire. Mais où allait-il? Pour ceux qui restaient, que devenait-il? Était-il mort? Il ne revenait pas en général. Pouvait-on faire le deuil? Le deuil était-il possible sans corps à inhumer? Sans ce corps, le psychiste ne pouvait que continuer à penser, à élaborer des idées, et tout ce de façon inconsciente. Ça, c'est notre réalité, notre rapport. Parce qu'en général, il y a eu la traite, on a beaucoup parlé des esclaves qui sont partis, mais on ne s'est pas mis à la place de ceux qui sont restés. Parce qu'en effet, mais qu'est-ce qu'ils devaient penser? Parce qu'ils ont continué à penser. Ce mécanisme psychocognitif nous rappelle le phénomène du membre fantôme en médecine et en chirurgie, dont il est fait allusion chez les amputés en chirurgie. Ainsi, notre monde invisible est né, il se matérialise plus vrai que vrai. Vous le savez, l'amputé pense toujours que son membre existe. Et il sent, il y a mal. Il ne raconte pas des histoires. Le monde invisible est là. Vous voyez comment il est véridique. Dans le discours sorcellaire, le sujet peut être présent en même temps dans les deux mondes. Mais que fait-il donc dans le monde invisible? Bon nombre de témoignages dans les discours quotidiens témoignent, rapportent qu'ils travaillent comme esclaves pour enrichir les sorciers. En l'occurrence, ceux qui ont le pouvoir de vie ou de mort sur les autres. Ceux qui ont négocié la vente des esclaves ont peut-être présent dans le monde visible et invisible. Alors, qu'est-ce que nous avons nous constaté? C'est que le système sorcellaire met en scène, sans rien omettre, les mouvements de la traite des esclaves ainsi que ces moments particuliers. Si l'on considère cela comme point de départ, on peut comprendre beaucoup de choses plus tard. En général, derrière une réalité physique, on retrouve une réalité psychique. Alors, avant la traite, les gens mouraient, parce que je m'intéresse beaucoup à la mort, qui est quelque chose qu'on ne peut pas éviter et qui arrive chez tous les êtres humains, et chez tous les vivants meurent. Avant la traite, les gens mouraient soit de maladie ou de vieillesse, soit encore à la guerre, où l'on peut retrouver les cadavres des siens et des ennemis. Avec la traite, on meurt par la faute d'un autre hyperpuissant qui, lui, ne meurt jamais, le sorcier qui représente le blanc, qu'on n'a jamais vu mort. Au reste, selon certaines traditions, il est interdit à la population de voir la dépouille des rois ou des notables. À partir donc de la traite, je meurs d'une fausse mort. Une mort qui n'en est pas une, puisque je ne fais que traverser la barrière entre deux mondes. Une fausse mort, puisque l'autre, le puissant, lui, ne meurt jamais. Le blanc qui est venu et qui a pris les noirs, lui, il n'est pas mort, il est parti. Et derrière ce qui m'arrive physiquement dans la réalité, planera toujours le spectre des desseins de l'autre, du sorcier, qui a le pouvoir de manipulation et partant, dont je suis à la merci. Dans le système traditionnel encore, de sorcellerie, enfin, le système traditionnel tout court, la femme et les enfants tiennent une place minime. Ils sont inférieurs aux hommes. Les enfants ont beau apprendre, grandir, se développer leur intelligence, ils demeurent des enfants, ce que l'on rencontre encore en Afrique. De surcroît, les femmes elles-mêmes renforcent cette réalité collective par un comportement paradoxal. En effet, bien que pâtissant de cette situation, cette position d'infériorité, elle persiste à éduquer ceux qui sont leurs enfants, les futurs hommes, en leur inculpant implicitement ou non la notion de supériorité des hommes sur les femmes. On a l'impression que ça tourne en rond, ça tourne en boucle, on a l'impression qu'on n'arrive pas à décoller par rapport à ce système. Alors, ce comportement paradoxal peut s'expliquer par une intériorisation de plusieurs schémas. De prime abord, ce sont les hommes particulièrement dotés d'une forte constitution physique qui ont été choisis pour être vendus en esclavage. Par suite, les femmes et les enfants, n'ayant pas été choisis, deviennent quantité négligeable. Conséquence logique, c'est la fonction maternante de la mère qui est prise à défaut. La femme donne la vie. Et dans ce cas, qui nous occupe ici, elle n'a pas pu empêcher ni le départ de ses fils, ni leur perte. Elle se trouve seule avec sa culpabilité. Troisième schéma, cette femme, c'est sa relation à l'autre de désir, son incapacité à retenir son compagnon, de même que celle de vivre sans lui qui est alors mis en exergue. Elle restera alors inconsolable. La femme en Afrique doit faire le deuil et des compagnons, et des enfants, et d'elle-même. Deuil impossible. Résultat, les hommes resteront la partie forte dont elle ne fait pas le deuil. C'est la raison pour laquelle, malgré toute l'éducation, tout ce qu'on peut raconter, elle bloque là-dessus. Les enfants restent les appendices de la femme, car, comme elle, ils n'ont pas été choisis. Pour elle aussi, les autoriser à grandir, c'est aussi accepter de les perdre à la manière dont elle a perdu ses grands-fils. En effet, un homme adulte ne peut que disparaître. Il sera pris dans les filets de la sorcellerie ou de la traite. C'est la raison pour laquelle aussi on a l'impression que la femme africaine garde toujours son fils à côté d'elle. Ce que nous souhaitons souligner, c'est que la sorcellerie va intégrer certaines notions de façon rédhibitoire. L'esclavage, en gommant la mort, va paradoxalement la radicaliser. Elle reste comme un corps étranger. On ne peut plus mourir de mort naturelle. La mort n'est que le passage dans l'au-delà, inconnu mais familier. C'est le passage dans l'autre monde où l'on n'est qu'esclave pour le bien d'un autre sorcier. Les causes de la mort officielle seront doubles. Une cause plus rationnelle pour expliquer la mort et le passage vers l'autre monde invisible. Ça peut être une hypertension artérielle, ça peut être une infection. Alors on pourra poser la question, à qui profite le crime? Comme dans les films policiers. Donc chaque fois qu'il y a mort ou maladie, à qui profite le crime? C'est le travail du devin. Nous avons vu comment la rencontre des groupes et l'instauration des petites guerres va humaniser les dieux dans nos travaux et remettre le pouvoir aux anciens et aux chefs des tribus qui reformalisaient sur le plan traditionnel après la traite, donne le pouvoir de vendre les humains comme les esclaves dans le monde occulte, les rendant malades, morts ou asociaux dans le monde visible. Les malades, les morts, les gens qui sont malheureux, ce sont des vendus. Le sorcier peut ne pas représenter des signes extérieurs de richesse, mais il est vénéré car il est chef, capable de cacher sa richesse dans le monde visible, tout en étant riche soit dans le monde invisible, soit dans le futur. Le sorcier, c'est qui? C'est celui qui veut ma place au soleil. Aussi, il deviendra riche. Ceux qui montrent leurs signes extérieurs de richesse sont d'emblée soupçonnés d'avoir des pratiques occultes en Afrique. La sorcellerie va maintenant de pair avec la richesse qui donne le pouvoir à celui qui l'a dans la réalité des choses. Si le commerce des esclaves morts continue d'avoir sens, le travail des esclaves est visible. Le sorcier et les profiteurs ne s'en cachent plus. La cloison entre les deux mondes devient infime. J'aimerais vous montrer comment tout cela tombe dans le réel. La place des groupes ésotériques, on en a déjà parlé. Alors, beaucoup d'intellectuels africains ont été cooptés durant leurs études en Europe par les membres de divers groupes ésotériques ou encore au début de leur carrière administrative au pays. Ces groupes ont de plus en plus pignon sur eux. Les membres ne s'en cachent plus. Cependant, les observateurs s'accordent à dire qu'il existe une différence manifeste entre les formations ésotériques en Europe et leurs succursales africaines. C'est encore notre point, ce que nous apportons en plus. Ces groupes ésotériques africains sont connotés négativement et sont comparés à des groupes avec des pratiques sorcellaires. Les membres sont supposés posséder un pouvoir magique et occulte. Comment expliquer cette pullulation de ces groupes et surtout leur transformation en Afrique subsaharienne? Déjà, comment expliquer l'attrait des groupes ésotériques pour les intellectuels africains? Tout à l'heure, on disait qu'avant, on disait qu'il y avait 50% de catholiques, 50% de protestants et 100%, peut-être pas de vaudous, mais on peut dire d'animistes pour englober ça. Moi, je dirais maintenant, on dit plus ça, on dit 50% groupe ésotérique, 50% religion charismatique pentecôtiste. Vous voyez donc comment ça peut être, ça a pris de l'ampleur. Et bon, 100%, bon. Alors, le pouvoir reste le désir ultime, l'héritage de la cristallisation, de la hiérarchisation des symboles. Or, le pouvoir, par le chemin initiatique traditionnel, par les anciens du village, semble bloqué. Alors, comment avoir une légitimité? Après la colonisation, le pouvoir de l'argent et paradoxalement celui de la science, qui sont du côté des Blancs, responsables de la traite et de la colonisation, est à portée de main. En effet, en faisant des études, on acquiert la connaissance des Blancs, On occupe des postes qui nous donnent une indépendance de l'argent et aussi le pouvoir. Cependant, il reste une connaissance de la connaissance cachée du monde de l'invisible et des rites initiatiques qui l'accompagnent. En Occident, il faut faire de ces humanités pour pouvoir prétendre aux études de psychologie, qui est la science de l'âme. On pourrait aussi dire qu'il faut, pour l'Africain, nécessairement passer par les études occidentales pour pouvoir rentrer dans l'ésotérisme occidental du monde du secret et du pouvoir. Parce qu'en effet, les groupes ésotériques ne vont pas chercher ceux qui n'ont pas été à l'école. Ils cherchent ceux qui ont fait des grandes études en Europe. Bon. Alors, le pouvoir des fratères va effacer le pouvoir des pères traditionnels. Alors, quel lien entre secret et pouvoir et le monde ésotérisme? Le secret opère, va opérer par le fait de rendre secret et caché ses activités et son existence. Et ce fait de se couper de la vie communautaire, la vie avec les autres communs des mortels, aura une conséquence manifeste sur soi et sur les autres. On est tous persuadés que, enfin, tous les Africains sont persuadés que tous les Africains qui sont dans les groupes ésotériques ont un pouvoir. Et souvent, on me pose, est-ce que c'est vrai? Dans les groupes ésotériques, enfin, mon idée est la suivante. Dans les groupes ésotériques, on retrouve une volonté de se séparer des liens douloureux, parce que le lien est douloureux en général, aux autres. De devenir indépendant pour se mettre au service de l'autre que l'on passe encore sous l'emprise des liens douloureux. C'est le secret de la communauté des fratères. Seulement, dans la société occidentale où l'on vit déjà en individuel, on peut dire que la coupure des liens autorisera une capacité nouvelle à en renouer d'autres, même si c'est d'abord avec les fratères. Mais dans les sociétés traditionnelles, où les individus vivent en groupe d'avance, la coupure des liens a des répercussions directes sur les membres du groupe, chez les personnes ordinaires. En effet, pour expliquer cela, le moteur du groupe chez l'Africain, ce sont ses liens avec les autres, comme on a dit au début. Couper les liens, c'est les priver de ce moteur de vie et laisser cours à la maladie et à la mort, qui signifie l'arrêt de la vie. En voulant se désaffaiblir du monde ordinaire, en cherchant à expérimenter l'unicité, les fratères africains deviennent des bombes pour leur entourage. Ils deviennent de vrais sorciers comme on le leur reproche. Le constat de ce pouvoir inexpliqué, souvent pour certains, peut renforcer l'impression d'avoir un pouvoir occulte comme celui des anciens traditionnels et être alors recherché, devenant le principal bénéfice dans l'appartenance à un groupe ésotérique. On comprend alors comment le mouvement ésotérique occidental, en s'implantant dans un autre contexte, peuvent devenir complètement autres. Ésotérisme, homosexualité et pouvoir. Au Cameroun, il y a quelques mois, il y a eu le scandale de l'homosexualité. Les journaux ont publié une liste de hautes personnalités homosexuelles. Nous devons parler d'homosexualité avec prudence, puisque la majorité des personnes citées vivaient en couple et avaient des enfants. Par ailleurs, très rapidement, où il s'avéra que toute personne listée était censée appartenir à des groupes ésotériques, les principales au Cameroun étant la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Un tollé vint même de la part du clergé qui a condamné vigoureusement la pratique homosexuelle. La population a crié à l'homosexualisation par les ténors des partis politiques. Nous avons dit qu'avec un tel soubassement du discours anthropologique, toute personne riche est soupçonnée de sorcellerie ou de magie blanche ésotérique. Que vient rajouter l'introduction de l'homosexualité? Le raccourci est le suivant. Dans les pratiques ésotériques, le fait d'avoir des rapports avec d'autres hommes, vous rendait plus riche et puissant. Mais en regardant de plus près, il est noté que sur la liste, il y a ceux qui ont des places d'hommes et d'autres qui ont les places de femmes. Les homos hommes gagnent plus en pouvoir que les homos femmes qui sont plus ou moins des laquais dans le cercle ésotérique. Mais tout de même, il faut noter qu'ils ont plus de pouvoir que l'homme de la rue. De quoi s'agit-il? Si nous nous reportons sur notre modèle traditionnel hérité du double traumatisme qu'est la traite et l'esclavage, nous acceptons que la femme est inférieure à l'homme. Avant, pour qu'un homme écrase un autre par sa supériorité, ce qui se passait, il lui prenait sa femme. Et souvent même, il se lui faisait offrir par lui-même. Maintenant, en Afrique subsaharienne en général, maintenant, ce sont les femmes qui décident et s'offrent spontanément pour maîtriser les patrons des conjoints et pour favoriser un avancement. C'est-à-dire, les promotions canapés sont surtout organisées par les femmes elles-mêmes. La femme n'est plus un objet de pression. Alors, il s'est présenté un autre subterfuge. Dans les groupes ésotériques européens, il est noté une séparation en général de sexe. Les hommes fratères se retrouvent entre eux. Cette communauté est souvent fermée aux femmes que l'on trouve soit fragiles, soit peu fiables, soit dangereuses. Alors, cette séparation va rejoindre pour nous la hiérarchisation rigide des symboles de la néo-tradition africaine où la femme est inférieure. Et d'ailleurs, un homme dira à un autre homme, attention, je ne suis pas une femme. Être une femme ou devenir une femme est vécu comme une dévalorisation. Pour affaiblir un homme, il faut le prendre littéralement comme une femme. Et dans les groupes ésotériques africains, où la notion de pouvoir, de soumission et de hiérarchisation des symboles est importante, on retrouvera la pratique qui consiste simplement, excusez-moi de dire simplement, à bizuter les nouveaux venus de cette façon. Ce sera la honte d'être la femme des autres, bien que ce soit un passage nécessaire. Et ce sera avec rage qu'on le fera subir aux nouvelles arrivées. Pour nous, il ne s'agit point d'homosexualité, mais d'une pratique perverse de soumission dans le but d'asservir l'autre, pour ne pas dire le tuer psychiquement. Les groupes occidentaux pratiquant la séparation des sexes cherchent aussi à s'émanciper. Nous venons de dire que la sorcellerie doit être considérée comme une religion en Afrique subsaharienne. Qu'en est-il de cette religion quand cette religion rencontre celle de ceux ayant considéré les Africains tout d'abord comme des objets lors de la traite et plus tard comme des enfants ou êtres inférieurs? Dans notre travail, ce que nous avons voulu montrer, c'est que la rencontre des populations a entraîné des remaniements. J'ai beaucoup entendu, il n'y a pas de transposition d'histoire, il n'y a pas d'apport, il y a quelque chose qui se passe dans une rencontre. Et la résultante de cette rencontre, et je pense qu'on n'en a pas assez parlé, on a l'impression qu'il y a eu des transpositions. Non, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la rencontre des peuples. Alors, en effet, à partir du moment où les explorateurs et les colonisateurs vivent avec les Africains, ils vont découvrir que les Noirs aussi naissent d'une femme après des rapports sexuels parce qu'ils ne savaient rien. Ils s'imaginent que, mais surtout qu'ils craignent la mort, qu'ils meurent, qu'ils enterrent leurs morts, qu'ils échangent des femmes. C'est tout le travail des anthropologues. Mais ils trouvent tout cela bizarre. Parce qu'ils font la polygamie, ils font l'anthropophagie, ils font l'inceste. Donc, il y a tout ce que les Blancs ont, mais dans la bizarreté. Ils vont donc retrouver ainsi des similitudes avec leur propre mode de vie, tout en trouvant étrange. Ils penseront alors qu'ils n'ont pas d'âme ou encore que ce sont des sous-hommes. De leur côté, et c'est là où ça, on a vu d'un côté, mais de l'autre côté aussi, ça pense. De leur côté, les Noirs vont remarquer surtout que les hommes blancs aussi tombent malades et qu'ils meurent. Parce qu'au niveau, au moment de la traite, ils n'avaient pas vu ça. Au moment de la colonisation, ils le remarquent. Et c'est une donnée qui va être très importante pour la suite de la gestion de la religion. Et aussi qu'ils peuvent convoiter les femmes noires. On a vu, on a vu beaucoup d'enfants métis qui sont nés dans cette histoire, dans cette rencontre. Okay. La rencontre de la religion sorcellaire et de la religion chrétienne donnera une résultante singulière ayant trait à un syncrétisme. Ce syncrétisme sera différent en fonction des régions et de la façon dont la traite a été vécue dans ces régions. L'évangélisation ne donnera pas les mêmes résultats en Afrique et aux Amériques. Et les résultats seront différents même en Afrique du Nord comme en Amérique du Nord comme en Amérique du Sud. C'est pour dire donc que la religion traditionnelle africaine est déjà une rencontre entre l'Occident et l'Afrique autour de la mort. Cette rencontre, elle est particulière pour les Africains qui restent. Elle sera différente pour les Africains qui sont partis dans les îles, elle sera différente pour les Africains qui sont partis en Amérique du Nord, et elle sera différente pour les Africains qui sont partis en Amérique du Sud. Parce que ce sont des rencontres qui sont complètement différentes. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que lorsque vous vous intéressez à la sorcellerie, ce sont des sorcelleries qui sont différentes à cause de ces rencontres-là. Et si on ne tient pas compte de cette rencontre-là, on ne pourra pas comprendre la multiplicité de ces histoires et ces discours sorcellaires. Nous avons montré que l'esclave vivant en Amérique du Nord, c'est pour ça que ce qui nous intéresse, c'est l'Amérique du Nord, parce que les religions nouvelles pentecôtistes viennent surtout de l'Amérique du Nord. Nous avons donc montré que les esclaves vivant en Amérique du Nord vivent un esclavage pur et dur. D'un côté, il y a les maîtres, les riches blancs, et de l'autre, les esclaves noirs qui s'échinent dans le champ utilisés comme les bêtes de somme. Par ailleurs, il y a d'un côté le maître blanc et sa religion chrétienne qui parle d'un Dieu d'amour, qui demande d'aimer son prochain et même son persécuteur, et qui d'ailleurs est un Dieu qui châtie les méchants. Dans cette rencontre, c'est ça. Les noirs voient les riches blancs heureux car ils sont bons. Eux, les noirs, sont mauvais et pauvres. La mère n'a-t-elle pas vendu son fils? Le père n'a-t-il pas vendu son fils? Le frère, son frère? Et comment on peut imaginer qu'on peut se reconstruire après cela? Comment aimer ceux qui nous ont fait du mal et qui ne sont pas là pour qu'on le leur dise? Parce qu'on dit souvent, allez, avoir une explication pour pouvoir parler. Ceux qui les ont vendus ne sont pas là. Ils ne pourront pas faire le deuil. Les Noirs américains du Nord auront du mal à pardonner. Pour supporter cet état de fait, ils feront avec la nostalgie de cette trahison et de l'abandon. Ils ne sont plus que des enfants abandonnés, mais la cristallisation de l'abandon et de la séparation, de la violence en attendant la libération de leurs conditions comme une manne dans le champ nostalgique. La fin de l'esclavage sonnera la fin d'une partie radicale qui était vécue comme une religion, mais ils pourront devenir aussi riches que les maîtres blancs. L'esclavage s'arrête, alors il faut que ça change. Malheureusement, l'abolition de l'esclavage, qui dit le moment du pardon par Dieu, le Père, montre le passage du message évangélique qu'on a donné aux Noirs, au message charismatique, apostolique, où tout est possible. Bonheur et richesse, abolition de l'agressivité fondamentale. Mais la réalité est bien différente. Malgré l'abolition de l'esclavage, les Noirs restent pauvres. Et du coup, on va voir les églises mères qui vont rivaliser avec le règne de l'argent facile, violence et drogue. Alors, ces églises charismatiques, donc, qui viennent de l'Amérique du Nord, vont facilement s'importer en Afrique subsaharienne, surtout à partir du moment où l'Afrique subit les premières crises financières. Parce qu'avant, c'était catholique, protestant. Avec les crises, on voit donc ces religions qui s'implantent facilement. Les églises mères annoncent un monde de fraternité magique et de bonheur. Si, selon elles, la non-hiérarchisation des symboles peut faire penser à la vie des premières églises, c'est surtout une lutte contre le mal, synonyme de la sorcellerie qui n'est que l'héritière de la traite qui est le meurtre du frère par le frère. Donc, on va voir comment la force de puissance de ces églises charismatiques arrive en Afrique, pas tellement pour évangéliser, oui, pour évangéliser, mais pour essayer d'expurger l'Afrique de ce mal d'avoir vendu ses propres enfants. L'Afrique, elle, de son côté, s'est plongée dans la pensée magique de la sorcellerie anthropophagique où la violence appartient à certains qui l'appliquent. La religion chrétienne, la religion d'amour et de pardon, va dans un premier temps entraîner une trêve. Les hommes blancs qui sont venus là, dans la colonisation et qui parlent de la religion, auraient commandité la chosification des Noirs, les reconnaissent une âme à sauver. Il y aura donc un doute sur la radicalisation des symboles et par ailleurs, la religion chrétienne apporte une nouvelle explication des symboles. Il faut pardonner à son frère. Par ailleurs, les explorateurs étant mortels, ils ne sont plus l'égal des dieux. Tant que la crise ne sévit pas, les Noirs en Afrique subsaharienne vont accepter d'accéder à la place de demi-dieu en singeant le blanc. Ce sont les petits frères, pas encore égaux des frères aînés. La religion chrétienne est acceptée surtout à cause de la présence du père et des multiples enfants, le père colon, qui donne l'impression de veiller sur ses colonies. La décolonisation et les moments de crise qui vont suivre vont paradoxalement laisser l'enfant en détresse, l'enfant africain en détresse, à la prise de l'angoisse d'être à nouveau vendu par le frère ou par l'autre. Des moments de crise sont donc les moments où les plaintes de sorcellerie sont les plus importantes, le persécuteur, le sorcier pouvant être n'importe qui parmi les rencontres. C'est aussi à ces moments difficiles que les églises mères venant des États-Unis ont été accueillies en Afrique, qui disent qu'en renaissant de nouveau, ce sera le paradis sur terre. Mais la notion de paradis ne sera pas la même pour tous. Vous aurez le pouvoir de chasser les démons. Vous obtiendrez tout ce que vous demanderez. Vous aurez une égalité paradoxale. Les premiers seront les derniers et vice-versa. Vous n'aurez pas besoin d'être érudit parce que le Saint-Esprit vous enseignera. Alors, parce que le symbole a perdu sa fonction représentatrice et qu'il est devenu réalité, tout est pris à la lettre. Et tant pis, même si, dans une phrase, à temps normal, peut annuler ou nuancer une autre, les deux sont vérité. Pour annuler la hiérarchisation des symboles rigidifiés par les deux phénomènes que sont la traite et la colonisation, il faut annuler la représentation qui est d'un côté la religion sorcellaire, la pseudo-tradition, et de l'autre, la religion de l'Occident qui va de pair avec la science et le savoir. Dans les églises du renouveau charismatique, il existe donc deux ennemis. La tradition sorcellaire, qui rappelle que le mal est partout et met à mal la fraternité générale, et la tradition occidentale, qui dit que l'homme est encore perfectible et donc pas encore Dieu. C'est une des raisons pour laquelle la médecine est désavouée, car elle tâtonne. Jésus lui guérit sans médicaments. Or, chaque Africain a en lui cette part traditionnelle qui fera en sorte que l'autre sera toujours suspect et vécu comme maléfique. Ce sentiment persécutif fait que les fidèles s'épuisent dans une lutte sans merci et sans fin avec le diable. Cette lutte se manifeste par un exorcisme tout azimut. Le bonheur est sur terre, pas de maladie, pas de faim, pas de pleurs. Tout déplaisir est assoigné par un exorcisme. On peut continuer comme ça. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces églises mères y arrivent? Mais le constat est que même les églises mères n'y arrivent pas. Malheureusement, même dans les églises charismatiques, on retrouve un nouveau système qu'on a décrié. Parce qu'en effet, le groupe charismatique refait un nouveau groupe de leaders, autour d'un leader. C'est ça qu'on voit. Le nouveau chef guerrier qui va en guerre contre le mal. Et comme il ne peut pas libérer de mal et de la maladie et de la pauvreté qui sont toujours là, alors il y a un retournement de situation. Le même leader devient le suceur, entre guillemets, des autres qui vont accepter sa richesse et sa splendeur et vivront la libération par procuration. Les fidèles ne seront pas riches, sauf s'ils redonnent toute leur richesse au chef. Ils auront la santé et tout cela repart s'ils se coupent avec le groupe. Or, les groupes ésotériques, en se coupant des autres, rendent malades, ce qui renforce leur confiance en soi, en leur pouvoir. Mais les fidèles des groupes charismatiques, en se coupant du groupe charismatique, se rendent malades car ils n'ont plus d'essence de vie. Je vais conclure en ouvrant quand même que la sorcellerie est un mode opératoire, une mode de pensée, une sorte de religion que l'on hérite culturellement en Afrique. Toute religion, toute pensée philosophique introduite après la colonisation seront traduites par le prisme de la pensée magique sorcellaire, aboutissant à un syncrétisme paradoxal sans pôle binaire et acceptant des énoncés qui semblent souvent contradictoires ou incompatibles à première vue. Il existe donc une lutte acharnée, ouverte, des groupes religieux de type charismatique et individuels, par les guérisseurs de façon individuelle, traditionnelle, contre les groupes ésotériques et les sorciers traditionnels, nommés comme les responsables de tous les maux de la population. Donc, je vais m'arrêter là. Merci.